votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour les confinés, vous êtes sur Radio Campus et vous faites bien, puisque c'est Angle d'attaque, une émission proposée par Attaque Métropole. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et justement, l'action citoyenne, il va en être question dans le débat avec notre invité. En attendant, chacun chez soi, à ce baraque, comme on dit à Radio Campus, et nulle part ailleurs, chacun chez soi, donc Quentin, René La Science, Florent et Christian. La technique est assurée par Florent et Quentin, qui seront également des intervieweurs aujourd'hui avec le talent qu'on leur connaît. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? De technologie et de démocratie. Oula, se disent certains, c'est chaud ! Pas tant que ça, citoyennes et citoyens. Vous êtes, nous sommes tous et toutes concernés, plus intéressés que concernés. Ou l'inverse. Vous avez entendu parler de la 5G ? Oui, évidemment. On vous a demandé votre avis à vous sur la 5G ? Non, évidemment. Ou plutôt, si, d'une certaine façon. On vous a dit ce que vous allez gagner avec la 5G. Gagner de la perfection, la haute def sur votre smartphone, du jamais vu. Gagner du temps, le temps de téléchargement, la latence qu'on appelle réduite à rien. Nada, que dalle, que des avantages. Vous allez adorer. Et je ne parle même pas du frigo connecté. Du coup, qu'est-ce que c'est que ces élus, des élus, rendez-vous compte, qui mégotent et même qui pétitionnent dans un journal du dimanche pour discuter de la pertinence d'introduire dans notre société cette formidable innovation sans même évoquer le plus élémentaire principe de précaution. Des amiches, des zozos, oui, qui veulent revenir tout juste à la lampe à huile. Il est comme ça, Macron. La contestation, il n'aime pas trop. Alors quand il ne peut pas envoyer les flics, il invective, il méconnaît, il méprise, il rabaisse. C'est sa façon d'éviter le débat. Remarquons, il n'a pas osé avec la Convention citoyenne pour le climat qui disait exactement les mêmes choses que les élus, et inversement. Eh bien les amis, dans notre vision conférence de ce soir, parce que c'est le soir qu'on enregistre, il y a au moins 4 zozos amiches, plus un invité. Il nous dira s'il fait partie des zozos. Un invité avec son bouquin « Technologie partout, démocratie nulle part ». Ça, c'est le titre. Une pancarte de manif, autant dire. Complété par un sous-titre qui est bien aussi. « Plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous ». L'affaire de tous. Des choix technologiques. Et puis quand encore, Irène et Regnault, vous doutez de rien avec votre co-autrice Yaël Benayoun ? En tout cas, Irène, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Eh bien, j'allais justement vous remercier d'avoir répondu à cette sollicitation. C'est avec plaisir que nous vous accueillons dans notre virtuel salon de curiosité Meet Jitsi. Quentin va nous dire un mot sur la 5G. Vous réagissez quand vous voulez. La 5G étant un prétexte pour parler de démocratie et de citoyenneté. Quentin, c'est à toi. Merci. Alors après cette longue introduction, je vais reprendre des éléments que tu nous as donnés, Christian, parce que en fait c'est exactement ça. La 5G arrive après la 4G, où elle s'additionne, c'est toujours la question, est-ce que les technologies s'ajoutent les unes aux autres ou est-ce qu'elles se remplacent ? On pourra en discuter peut-être plus tard. Cette innovation est vendue par certains, dont par exemple Gilles Babinet, vice-président du Conseil national du numérique et défenseur de la 5G. Il le compare à l'arrivée d'Internet. Donc comme quoi, c'est vraiment une révolution, une rupture qui nous attend dès l'année prochaine dans nos téléphones. En réalité, la 5G, c'est une nouvelle, une nouvelle façon de faire porter les signaux pour la téléphonie. Donc on a trois gammes de fréquences qui s'ajoutent aux fréquences actuelles, qui seront mises en vente. Là, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le débat est présent actuellement, c'est parce qu'il y a la vente par l'État de ces gammes de fréquences. Ça permet trois choses. Ça permet un débit 100 fois supérieur à la 4G, théorique. Encore une fois, c'est annoncé par les promoteurs de cette technologie. La connectivité possible d'un nombre d'appareils beaucoup plus important dans un lieu donné, et des temps de réponse de l'ordre de la milliseconde. En pratique, qu'est-ce que ça donne ? Un débit 100 fois supérieur à la 4G, ça vous permet de regarder des vidéos en plus grande définition. C'est vraiment tout ce qui va être des usages très gourmands. Donc, on pourrait avoir des visioconférences en très haute définition. On pourrait, quand on parle par exemple de la 4K, qui est souvent une catégorie de définition qui est appliquée aux écrans de télévision, ben on pourrait avoir la même résolution sur un téléphone ou sur une tablette, sans aucun problème, puisque le débit le permet. Une autre chose que ça permet, c'est un grand nombre d'appareils en un même endroit. La 4G aujourd'hui a la difficulté à connecter tout le monde ensemble quand il y a un festival ou un concert. On arrive aux limites de ce que sait faire la technologie. Mais dans la réalité, ce qu'on veut débloquer avec la 5G, c'est vraiment, comme on dit, le frigo connecté, tous les appareils, c'est multiplier la densité d'appareils sur une zone, la rendre très très très importante. Donc, votre téléphone se connectera à Internet, votre montre se connectera à Internet, votre ordinateur, tout sera connecté directement via les antennes 5G. Le dernier élément, le temps de réponse. Alors, on a entendu sur certains plateaux parler d'opérations à distance en temps réel ou tout ce genre de choses qui relèvent un peu de la science-fiction. Dans la réalité, il y a des usages courants qu'on peut voir tout de suite. C'est par exemple les jeux vidéo sur un téléphone ou sur une tablette. L'idée, c'est que votre téléphone, votre tablette ne va pas turbiner comme pas possible pour animer le jeu vidéo depuis votre terminal. Ils vont le faire par un serveur, mais il faut que votre ordinateur, votre téléphone communique très rapidement avec le serveur pour qu'il soit capable de répondre en temps réel à ce que vous demandez à votre personnage ou au jeu où vous jouez avec d'autres personnes. Il y a aussi la voiture autonome qui a énormément besoin de cette technologie parce qu'elle ne va pas pouvoir tout calculer en permanence et prendre toutes les décisions toute seule. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent la plupart des commandes vocales. C'est-à-dire que votre téléphone ne va pas lui-même calculer, transformer ce que vous avez dit en une action. C'est un serveur à distance. On va enregistrer ce que vous dites, l'envoyer au serveur, il va le calculer et vous répondre. Donc voilà les trois éléments. Plus de débit, plus d'appareils dans un même lieu et un temps de réponse très très très court. Est-ce que, Irénée, tu as des choses à ajouter sur cette définition ? Est-ce qu'il y a des éléments importants ? Alors, peut-être quelques précisions, mais globalement, c'est ça. Effectivement, on a ces trois usages-là. Alors, on n'est pas forcément sur un débit à x100. Ça, c'est ce qui a été annoncé plus d'un an. Moi, quand j'ai commencé à regarder la question, c'était x100. J'ai même vu des x1000 en termes de débit. En fait, c'est plutôt un x10. Et en réalité, ce qui se passe, là où les réseaux sont déployés, on n'y est même pas forcément encore. Donc, il faut garder à l'esprit qu'entre les spécifications techniques, ce qui est donné de l'ordre du possible, des années avant que ça sorte, et ce qui sort concrètement, on est rarement à équivalent. D'autre part, il y a aussi tout un tas d'usages de la technologie qui sont liés à... tout ce qui est suivi logistique, par exemple, de bout en bout d'un grand nombre de colis, par exemple, pour donner des usages très concrets, ou encore, par exemple, le suivi et le pilotage de machines industrielles à distance, ou de chaînes de production robotisées, ou de choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'usages industriels qui sont prévus, et des usages dans la Smart City. Donc, voilà, d'une part, et d'autre part, il faut bien comprendre que les différentes bandes de fréquences qui sont attribuées ne sont pas toutes selon les mêmes temporalités. Il y en a une, sans rentrer dans les détails, qui est déjà existante et utilisée par la 4G. Il y en a une autre qui vient d'être vendue, la 3,5 GHz, pour 3 milliards d'euros par l'État il y a quelques semaines. Là. Donc c'est celle-ci qui va faire, paraît-il, du x10. Et il y en a une dernière, le 26 GHz, qui n'est pas prévue pour tout de suite, hein, c'est pour dans plusieurs années. Et c'est celle-ci qui est vraiment censée répondre aux promesses les plus importantes de la 5G, à savoir cette latence tout à fait réduite, ce débit qui augmenterait vraiment. Donc là, on est dans une, selon ce que nous disent les acteurs de l'industrie et l'ARCEP aujourd'hui, on est dans une espèce de 4G+, ce qui n'est pas faux, mais en même temps, ce qui est rigolo, c'est de voir que pendant un an, on nous a rabâché les oreilles en nous disant que ça allait être extraordinaire et que ça allait beaucoup plus vite. Et maintenant que les gens commencent à s'inquiéter un peu sur tous les fronts, et notamment écologiques, l'industrie freine des quatre pieds et nous dit « Non, non, mais attention, c'est juste une petite amélioration de ce que vous aviez déjà, donc ça s'inscrit dans la continuité, etc. » Donc en fait, on joue un petit peu en fonction de qui on est, d'où on parle, avec qu'est-ce que c'est à court terme, à long terme, est-ce que c'est pour seulement les industries, est-ce que c'est pour tout le monde. Donc voilà. De fait, aujourd'hui, on vend des smartphones 5G qui permettent de faire pour l'instant, pas grand-chose de plus parce qu'il n'y a pas d'antenne. Oui, alors un autre point pour le cadrage du sujet. Comme le sujet est vaste et qu'il y a de multiples aspects, nous avons sélectionné certains thèmes. Si on insistera plus particulièrement sur l'aspect technologie et démocratie, est-ce qu'on nous a demandé notre avis? Est-ce qu'il y a eu des sondages pour savoir si cette technologie nous intéressait? Sur l'aspect désirabilité, est-ce que franchement cette technologie, nous en avons besoin, nous individus? Est-ce qu'on la désire vraiment? Et aussi sur les aspects environnementaux et écologiques, parce que faut savoir que cette nouvelle technologie ne sera pas sans impact sur l'environnement, pour diverses raisons que nous expliquerons au cours de la discussion, sans doute. Par contre, nous avons donc laissé de côté l'angle sanitaire, puisque nous n'avions pas assez d'informations et d'expertise sur ce thème. La société de surveillance et les infrastructures publiques ou privées. Donc ça, nous avons laissé de côté. Du coup, on peut commencer avec les premières questions qu'on s'était posées sur le niveau démocratique. On avait noté, nous, au niveau local, que Martine Aubry à Lille avait décidé d'attendre, donc de temporiser l'installation des antennes ou leur mise en fonctionnement. C'est toujours la question de savoir exactement quel est le pouvoir du maire par rapport à ça. On voit qu'il y a une résistance locale. Vous en parlez un peu tu en parles un peu, Irénée, dans le livre du fait qu'il y ait différents niveaux auxquels les citoyens peuvent répondre. Et on a le maire qui est au plus proche, on va dire, parce qu'ils viennent d'être élus en plus, du citoyen et du votant, qui commencent eux déjà à se mobiliser contre cette technologie. Tout à fait. Alors, effectivement, la 5G, c'est assez nouveau. On a une technologie qui, pour une fois, rencontre des résistances assez vives dans la société, chez les élus, chez les citoyens, à différents niveaux. Bon, en fait, c'est pas forcément très nouveau dans le sens où il y a toujours eu une contestation du progrès technique, alors à différentes échelles, notamment dans le monde du travail, forcément, là où les machines venaient modifier la façon dont travaillaient les ouvriers, au contact des nouvelles révolutions industrielles. Et là, on a eu au cours du XXe siècle ensuite toute une critique de la puissance au sortir de la guerre, l'atome, et puis critique de la société de consommation, le rapport Meadows, etc. Les OGM dans les années 2000. Et il se trouve que là, c'est le numérique qui est en jeu, et ça, c'est un peu nouveau dans le sens où, finalement, après 20 ans d'illusions sur les bienfaits de la technologie numérique qui aurait apporté tout un tas de bénéfices à l'humanité, qui en a certainement apporté, faut-il l'admettre, on se rend compte que le cloud computing n'est pas un nuage et que pour faire de l'Internet, il faut des câbles sous-marins et des métaux rares et tout un tas d'appareils. Donc la 5G s'inscrit en fait dans cette désillusion-là, qui est plus forte, et c'est ce qu'on explique dans Technologie partout, démocratie nulle part, qui est plus forte depuis 3 ans, dans la mesure où beaucoup d'acteurs du numérique se réveillent un peu ou se font réveiller par des contestations internes de la part des employés, externes de la part de la société. Et donc la 5G, en fait, elle vient quelque part sanctifier cette prise de conscience. C'est, j'ai envie de dire, et vous l'avez dit au début, c'est pas tellement le sujet, en fait. La 5G pose les questions qu'on posait déjà avec le numérique, donc des questions de renouvellement massif d'appareils polluants, d'accélération des réseaux, éventuellement d'accélération du temps, de changement dans l'entreprise des conditions de travail et pourquoi pas de société de surveillance, parce que les caméras de surveillance, et notamment reconnaissance faciale, sont le premier marché de la 5G pour ces 5 prochaines années. En tout cas, c'est ce que les prévisions de cabinet de conseil nous expliquent. Donc on a des élus qui se positionnent là-dessus, qui ne l'auraient peut-être pas fait il y a 10 ans, alors qu'il y avait la 4G, parce que la maturité vis-à-vis de ces sujets n'était pas aussi importante. Alors c'est très bien que les élus se saisissent de cette question et que les citoyens le fassent, ça veut dire que cette maturité permet à nos démocraties de questionner plus que ce qu'elles ne questionnaient jusqu'à présent, et le progrès technique fait partie des sujets qui devraient être discutés aujourd'hui vis-à-vis des limites sociales et climatiques qu'on connaît. Cependant, Martine Aubry et l'ensemble des maires à Nantes, à Rennes, à Bordeaux qui ont opposer des résistances à la 5G, ou même à Paris, où à défaut d'un moratoire, la maire va organiser une consultation citoyenne, en fait, n'ont que peu de pouvoir. Hein. C'est vraiment des réactions de façade, c'est du positionnement politique, ça ne sert à rien, il faut le dire, les antennes seront quand même déployées à la marge. Par exemple, à Paris, on pourrait modifier la charte des télécoms et faire attention à ce que les antennes ne soient pas déployées n'importe où, ou à ce que certains usages soient limités. En revanche, il n'est pas question frontalement de remettre en cause le déploiement de la 5G, celui-ci est acté, et les mairies n'ont pas le droit depuis 2011 d'empêcher en fait le dépôt des antennes. Donc voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui, on a cette maturité grandissante, des élus qui réagissent, une convention citoyenne pour le climat qui s'est saisie du sujet numérique puisque ce n'était pas à son ordre du jour, mais qui a émis des doutes, et pour autant, en face, effectivement, on a une prise en compte très mineure, pour ne pas dire une prise en compte quasiment absente de ces contestations et de ces revendications-là. Donc ça pose effectivement la question de la juste répartition du pouvoir au sein de ces mécanismes qui dessinent l'avenir technologique dans notre pays et ailleurs. René, tu voulais intervenir ? Oui, non, tout à l'heure. Enfin, c'était par rapport aux contestations. Je pensais dans les années 70 à la contestation anti-nucléaire, mais qui est quand même marquée il y a plusieurs années. Voilà, c'est tout. La réflexion qu'on s'était faite aussi par rapport à cette interdiction des maires, c'est que, en fait, bah déjà, techniquement, ils n'ont pas le droit de le faire, mais en fait, ils essaient de. Enfin, j'imagine qu'ils essaient de créer un symbole ou un face-à-face, puisque techniquement, alors on part peut-être sur des hypothèses juridiques où on ne sait pas trop où on va, mais techniquement, les opérateurs télécoms, s'ils se sentent lésés de ne pas pouvoir déployer leurs antennes comme ils le souhaitent dans certaines villes, ils seraient capables d'exiger des réparations aux villes. Et ça peut être aussi la recherche pour les maires de créer ces symboles ou ces actes forts en disant bah, « nous, on est capable de tenir tête à des sociétés télécoms ». Après, ça risque de s'essouffler et on imagine assez peu que ça puisse aller jusque-là. Mais après tout, pourquoi pas ? Oui, après, je ne sais pas si elle cherche à tenir tête vraiment aux opérateurs. En l'occurrence, c'est surtout Orange qui a poussé pour installer la 5G, puisque c'est cette société-là, le plus gros opérateur, qui peut absorber les coûts le plus facilement. Je pense que c'est ça, en fait, ce qui est compliqué, c'est que ça s'est cristallisé à la fois dans une défiance vis-à-vis du gouvernement. On est dans une période où beaucoup de décisions politiques sont prises de façon très descendante. Et la 5G, c'est un peu inscrit là-dedans, en fait. Donc, il ne faut pas nier le fait que ce sont des maires écolos, donc dans l'opposition, qui ont... à la fois pour des raisons écologiques sans doute, mais aussi pour des raisons politiques qui ont fait front au progrès technique tel qu'on entend aujourd'hui, face peut-être au gouvernement et surtout en la personne d'Emmanuel Macron qui a nié le résultat de sa propre convention citoyenne. Donc il y a ça derrière la mobilisation des maires aussi, le fait de dire mais c'est vous qui avez demandé à 150 citoyens tirés au sort lors de cette convention de se prononcer après avoir écouté des experts. Pourquoi ne les écoutez-vous pas ? Et ensuite viennent les opérateurs, mais là, les villes, ça dépend sûrement des villes, mais moi, pour ce que je vois de Pantin, la ville où j'habite, ou Paris, les maires parlent aux opérateurs. De toute façon, on sait très bien que les antennes vont être déployées. Comme vous l'avez dit, ça ne peut pas être autrement. En revanche, on peut discuter des modalités. Si vous voulez, vous êtes une ville, ce sont vos toits sur lesquels on va poser les antennes. Vous laissez pas n'importe qui, n'importe comment, vous passez la main dans les cheveux, si vous voulez. Donc là, il y a une discussion qui a lieu. Mais je pense que les opérateurs ne sont pas forcément les grands coupables, si tant est qu'on puisse trouver un grand coupable à cette histoire. Christian ? Oui, je voulais dire simplement, mais c'est une incise, à Lille, c'est... L'opposition à la mairie, l'opposition à Martine Aubry a dit, mais enfin, les antennes 5G, elles sont déjà déposées, de toute façon, c'est déjà posé à Lille. Et en fait, Martine Aubry a compris que c'était des 5G améliorés, c'était des 4G améliorés en 5G, ou transformés en 5G, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut, et qu'elle allait s'adresser précisément à Orange, parce qu'on lui a fait un peu un truc dans le dos. Et ça, ce n'est pas le genre de truc qu'il faut faire à Martine Aubry, quoi. D'accord, je ne savais pas, c'est intéressant, tout à fait. Après, c'est vrai que ça crée aussi, alors on va peut-être parler aussi de rentabilité des nouvelles technologies, parce que en fait, ce système où l'État vend à vil prix le droit d'utiliser une technologie, ça oblige la personne qui investit, enfin l'entreprise qui investit sur cette technologie, d'être très vite rentable et de devoir assez agressivement, du coup, chercher des acheteurs, des choses comme ça. C'est vrai que c'est un peu l'un des problèmes qu'on a, par exemple, avec les taxis qui doivent acheter une licence et du coup cible à la concurrence. Bah, là, c'est vrai qu'avec les opérateurs télécoms, on les incite, entre guillemets, avec ce système de vente à fort coût de licence, à être capable d'être rentable très très vite et de s'installer très très vite, en fait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, selon les dires du patron d'Orange lui-même, la 4G n'était pas encore forcément rentable. On est encore en recherche de rentabilisation des investissements. Donc ça, c'est un premier problème. En fait, ce qui me fait réagir dans ce business model qui est celui de la 5G, c'est que il est beaucoup question aujourd'hui d'expliquer que ce sont surtout des usages industriels. Alors effectivement, quand on voit le prix des licences, on se doute bien que ce n'est pas là qu'on va trouver de business, en fait. C'est d'abord le marché grand public, tel qu'on l'appelle dans les télécoms, qui permettra d'amortir en fait les coûts importants qui sont du côté des opérateurs, mais pas seulement, du côté des équipementiers, du côté de tout le monde, en fait. Donc il faut bien comprendre que, si vous voulez, on va créer par l'économie un effet rebond. Vous savez, l'effet rebond, c'est ce qu'on est sans cesse en train d'expliquer avec la 5G. On dit on va installer un réseau qui va aller plus vite, donc on va avoir plus d'usages, d'accord ? On va pas juste décongestionner les réseaux, on va créer de nouveaux usages, et ces usages vont éventuellement polluer, ce qui est plus ou moins vrai, puisque c'est pas tellement le trafic data dans les réseaux qui pollue, c'est plutôt les smartphones, en fait. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, tout l'objet de la 5G, en fait, c'est de répondre à des besoins qui ont été exprimés il y a des années par des cabinets de conseil et différentes prévisions qui expliquaient que le futur serait fait d'une explosion de la demande de trafic, d'une explosion du nombre d'appareils connectés, donc l'IoT, l'Internet des objets dans les villes, etc. Donc en fait, on a prévu il y a 10 ans une explosion des usages, et pour répondre à cette explosion prévue par des cabinets de conseil, on déploie un réseau qui est censé soutenir cette évolution. Donc, si vous voulez, c'est un raisonnement circulaire. Il nous faut la 5G pour répondre à un besoin qui explose, mais le besoin a été exprimé par des gens qui l'ont prévu et qui prévoient en même temps la 5G. Donc, c'est tautologique, en fait. On aurait pu dire... Allez-y, pardon, excuse-moi. C'est autoréalisateur. Oui, c'est tout à fait ça, c'est autoréalisateur. C'est exactement ça. On aurait pu dire on a besoin, dans 10 ans, d'un réseau qui soutient, qui est par exemple compatible avec les accords de Paris. Bon, ça a l'air un peu bête dit comme ça, mais ça aurait peut-être été ça la question. Par exemple, on a besoin d'un réseau qui fasse en sorte que, je ne sais pas, on puisse recevoir la météo par SMS et pas avec une page web qui pèse 10 mégas, parce que c'est peut-être plus soutenable dans les 30 ans qui viennent. Et ce genre de question est aujourd'hui interdite. La 5G, c'est terminé, en fait. Si vous voulez, on vous demande aujourd'hui de vous prononcer sur une technologie, comme si on allait dire oui ou non, sachant que c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Il ne s'agit pas de voter pour ou contre, hein. C'est pas ça la démocratie. Ça, c'est un mode de scrutin, c'est le référendum, c'est pas pareil. Mais en fait, on nous demande de nous exprimer sur quelque chose qui en fait a déjà été décidé, qui a déjà été financé. Donc si vous voulez, on vous demande de discuter à la fin, mais en fait, c'est au début qu'il faut parler. Et au début, c'est au moment où on conçoit l'artefact technique, et c'est ce moment où on définit des besoins. Donc là, on a déjà défini des besoins, on a conçu une infrastructure qui répond à ses besoins, on ne vous a jamais interrogé sur ses besoins, et 10 ans après, on vous dit, mais est-ce que vous en voulez ou pas ? Donc j'ai envie de dire, même si on avait la possibilité de vraiment répondre à cette question, en fait, elle serait déjà biaisée. Et si aujourd'hui, les débats sont évacués, mais c'est évidemment parce que les investissements ont déjà été faits. Il est évident qu'on va déployer la 5G, puisqu'on a dépensé des milliards pour la créer. Donc c'est un peu une démocratie en carton, en fait, qu'on nous vend aujourd'hui. Florent, tu voulais prendre la parole ? Oui, c'est un peu absurde, parce que j'ai l'impression quand même dans la recherche dans les technologies, les nouvelles technologies, que souvent on essaye de toujours améliorer, et une fois qu'on dit bah tiens, on a pu améliorer ça, on va chercher des besoins pour pouvoir le mettre en valeur, en fait, pour pouvoir, que ça, pouvoir publier ses recherches et puis avoir un débouché commercial. Au lieu de se dire, bah, tiens, on a tel besoin, et qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir répondre à ces besoins-là ? C'est un peu ce que tu dis, je pense. Ouais, ouais, c'est exactement ça, tout à fait. Après, il n'y a pas forcément de mal à aller chercher, à un moment donné, un marché quand on invente quelque chose. Mais quand ça se fait de manière aussi massive, avec un impact aussi important sur la société. Alors, de quoi on parle ? Parce que c'est peut-être, pour être plus précis pour les gens qui nous écoutent, je disais tout à l'heure, l'impact de la 5G concrètement, l'impact risqué, c'est quoi ? C'est d'une part, effectivement, d'avoir un réseau qui peut soutenir des usages, notamment des usages en termes de surveillance, qui sont importants. Alors, on pourra toujours dire, le problème, c'est la surveillance et pas la 5G. Bon, de fait, en général, quand on pense comme ça, on se retrouve quand même avec de la surveillance à la fin. Ensuite, le second problème, c'est que l'impact écologique, il est à situer, non pas au niveau des réseaux et de l'accélération de la vitesse de téléchargement des vidéos, parce que ça, ça ne pollue pas tellement plus, en fait. C'est assez dérisoire. Ce qui pollue, en revanche, c'est le fait de se rééquiper en smartphone 5G. Et ça, c'est un effet rebond. Oui, ça, c'est un effet rebond. Mais en fait, ce n'est même pas un effet rebond, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Sur l'essence programmée, pour être plus exact. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, l'effet rebond, on se dit, c'est un effet négatif qu'on ne voulait pas. Mais en fait, la 5G cherche l'effet rebond. On cherche à développer des nouveaux marchés pour les smartphones parce que ceux-ci ne se vendent plus. Ceux-ci ne se vendent plus parce qu'on est tous équipés, parce qu'il n'y a pas d'innovation majeure qui donne envie d'en acheter d'autres, et parce que c'est un peu comme les machines à laver, quoi. Une fois que tout le monde en a, on n'en achète plus. Donc là, l'industrie stagne et on garde nos smartphones de plus en plus longtemps. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On les garde 22, 23 mois en France. C'était plus court il y a quelques années. Donc, on est arrivé à un niveau, au niveau des smartphones, qui était intéressant. La 5G va nous faire renouveler nos smartphones plus vite. Alors, ils auraient été remplacés de toute façon, c'est certain. Mais ça va quand même faire en sorte qu'on les remplace plus vite, d'une part. En plus, c'est des smartphones plus puissants, avec plus de matériaux qui viennent, encore une fois, des mêmes endroits, qui posent de multiples questions sociales et écologiques. Et surtout, ce ne sont pas du tout des smartphones qui sont faits pour durer 10 ans ou 15 ans comme il le faudrait. La vraie innovation dans les smartphones, ce serait ça, ce serait un smartphone qui dure 15 ans. Si vous me disiez, on déploie la 5G et la condition pour la déployer, c'est d'avoir des smartphones qui durent 15 ans, à la limite, je serais le premier à vous dire, bah d'accord, c'est intéressant. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. On va avoir des smartphones qui vont durer à peu près le même temps et donc, qui, en fait, on remet une pièce dans la machine, tout simplement. Christian, tu voulais... Oui, mais j'ai l'impression d'être un peu en retard par rapport à une question que je voulais poser auparavant. C'était, je comprends bien la question qui est soulevée de cette façon-là, mais je dirais deux choses. D'abord, j'ai l'impression, si j'ai compris quelque chose, que la technologie 5G vient plutôt de Chine. Voilà. C'est une question que je me pose. Est-ce qu'on la maîtrise ici ? Par ailleurs, comment justement maîtriser à l'origine cette innovation avec, je ne sais pas moi, une discussion démocratique, puisque c'est un peu le thème. Autant je comprends, par exemple, c'est ce que je voulais dire en fait, autant je vois très bien ce qui s'est passé à Bure, par exemple, pour l'enfouissement des déchets radioactifs. On décide, les géologues décident qu'il y a 4 sites en France où on peut enfouir les déchets radioactifs. Et ça tombe sur Bure. Mais tout le monde disait « not in my backyard », quoi. Il n'est pas question de la mettre chez moi, quoi. Donc ici, ça rend compliqué, je pense que la 5G rend compliqué et inefficace cette démonstration-là. Alors quelle démonstration ? La démonstration ? Le fait que la population se mobilise parce qu'on va enfuir chez eux, chez soi, chez elle, les déchets radioactifs. Ici, c'est plus compliqué parce que c'est une démarche de long terme déjà. 3G, 4G, 5G, même 2G d'ailleurs avant, je crois. Alors à Bure, vous avez aussi une démarche de long terme dans le sens où bah, les déchets nucléaires, ça dure beaucoup plus longtemps que des générations de réseaux. Mais attendez, je vous ai perdu là, vous m'entendez ? Oui. Oui, pardon. En fait, la question que vous posez, si c'est celle de comment on mobilise des publics autour d'une controverse technique, effectivement, ce n'est pas exactement la même dans le cadre de l'enfouissement des déchets nucléaires qui ont une dimension locale, dans le sens où ils sont enfouis dans un endroit spécifique qui n'est pas trouvé par hasard, parce qu'évidemment, il faut des conditions géologiques particulières dans le sous-sol pour que ça ne bouge pas, etc. et la 5G qui est effectivement une dimension internationale. On parle du réseau mobile Internet, en fait, dont les, certains composants viennent de Chine, hein, notamment le cœur de réseau. Certains composants du cœur de réseau viennent de Huawei, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres sociétés comme Alcatel ou Nokia qui en parlent. Donc il y a une controverse géopolitique qui s'ajoute à ça, évidemment. En revanche, on aurait pu imaginer organiser sur la 5G un débat comme celui qui a été organisé à Bure, enfin, plusieurs débats en l'occurrence, avec la Commission nationale du débat public. Mais autant Bure, j'ai envie de vous dire, bon, à un moment donné, on est obligé de se poser la question parce qu'il faut bien en faire quelque chose de déchets nucléaires. Quoi. On ne va pas les laisser en surface, c'est compliqué, ça présente éventuellement plus de risques, etc. Et à Bure, même si on n'est pas arrivé au bout du processus, pour l'instant, bon, il faudrait que je regarde précisément où on est à la CNDP, mais le résultat est que du moment que le processus est réversible, a priori, bon, il y a des réticences évidemment, mais on est plutôt OK avec le fait de les enterrer. La question pour la 5G, c'est que en fait, on ne sait pas trop quelle question se poser. Parce que c'est pas pour ou contre. Si vous dites contre, effectivement, non. Vous allez vous retrouver tout un tas de problèmes, peut-être économiques, j'en sais rien. Et si vous dites pour à certaines conditions, en fait, c'est quasiment comme si vous disiez contre, en fait. Si vous dites pour, mais on ne veut pas de surveillance, mais on ne veut pas de renouvellement massif de smartphones, mais on veut une écologie, on veut un numérique écologique, etc., vous allez vous rendre compte très vite que vous allez vous frotter aux limites du système. Puisque la 5G est peut-être la dernière génération de réseaux qui réplique les anciens modes de pensée. Donc en fait, quand vous dites non tout de suite à la 5G, vous dites non au modèle économique qui est celui des réseaux, du numérique, etc. Et donc ça, c'est un petit peu plus compliqué que est-ce qu'on met une éolienne dans le champ ou est-ce qu'on enterre les déchets nucléaires à Bure. Et c'est plus compliqué dans le sens où le numérique, on n'a pas l'habitude de le réguler en fait, de manière locale. Alors, quand c'est des réseaux 5G, c'est très compliqué. Mais imaginez quand c'est, par exemple, le GPS Waze qui fait passer des voitures par la rue principale de votre village, alors que jusqu'alors, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que vous faites? Ou quand c'est Facebook qui modère ses contenus de telle sorte que il puisse y avoir, je ne sais pas, des discriminations envers un public ou des mouvements de foule inconnus, etc. Ça, c'est des choix qui, entre guillemets, ne nous appartiennent pas. Alors, ce n'est pas la même chose, hein, je ne mets pas tout sur le même plan. Facebook ou Waze, ce n'est pas la 5G. Mais du coup, c'est des choix qui appellent à des questions un peu insolubles. Et en fait, il se trouve que les sciences humaines et sociales qui regardent ça sont dedans en ce moment, au moment où ça se passe. Et d'expérience, enfin, en tout cas, quand on lit les historiens sur le progrès technique, comme Jean-Baptiste Fressos, par exemple, on se rend compte que quand les controverses émergent, bah, souvent, il est trop tard. Ouais. Donc ça repose, c'est ce qu'on essaye de faire dans Technologie Partout, Démocratie Nulle Part, c'est qu'on essaye de reposer justement la temporalité entre l'expression des besoins, comme le disait Florent, le moment où on dit qu'est-ce qu'on veut en tant que société, et le moment où apparaît la technologie. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. Mais de fait, là, moi, ce qui me rassure, c'est que le problème est de plus en plus visible. Et le fait que, je ne sais pas... Même si c'est maladroit, un député comme Ruffin qui dit il faut un référendum sur la 5G, pourquoi je dis que c'est maladroit? Parce que c'est sûrement pas un référendum qu'il faut. Il le fait pour des raisons politiques, parce que c'est son dernier recours. Le fait qu'il puisse dire ça est intéressant aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'on ne l'aurait pas dit il y a 10 ans. Je me permets un petit parallèle que je trouve pertinent sur le sujet, c'est que en fait la 5G, comme c'est une projection, comme on l'a dit, d'une progressivité du déploiement des télécommunications qui a été pensée il y a longtemps, avec, comme on avait dit, donc le côté auto-entretenu, mais on pourrait arriver à des erreurs de parcours, comme il y a eu dans l'aéronautique avec la 380, où en fait on s'est rendu compte que c'est un très gros porteur, tout le monde est très content qu'il est très gros porteur, mais on n'en a pas besoin, du coup on l'a rangé dans un coin, et puis peut-être qu'un jour on le ressortira, puisque les gens continuent d'avoir en tête que le trafic aérien va crever les plafonds un jour, donc on pourra ressortir notre aéroporteur à ce moment-là, mais en fait, en réalité, aujourd'hui, tout ce qui se vend, c'est des avions basse consommation, les 320 NEO qui sont... je pars un peu sur de l'aéronautique, mais l'idée, c'est de dire, il y a peut-être aussi dans ces technologies pensées il y a longtemps avec des projections qui sont plus forcément de nos jours, non seulement le côté choix citoyen qui dit, mais c'est peut-être pas la société dans laquelle on veut vivre, mais en plus, il y a peut-être des problèmes de choix industriels qui n'ont pas été réévalués à un moment ou à un autre en se disant, mais oui, mais faut justifier les investissements qui ont été faits. Mais du coup, ça nous fait partir dans le mur ou partir dans une direction où en fait, il n'y a rien. Derrière, il n'y a pas de rentabilité, il y a... n'y a rien à obtenir. Bah ouais, et je pense que c'est une très bonne analogie, celle de la 380, effectivement, des plus gros avions du monde qui se retrouvent, c'est fini en fait, quoi. J'ai envie de dire, c'est pareil pour le Concorde, hein. Bon, c'est des raisons un petit peu différentes, mais c'était déjà un choix du même genre, hein. Concorde qui était extrêmement consommateur en kérosène, mais je trouve qu'il s'est écrasé en plus. Mais en fait, bon, la question là-dessus, c'est dans quelle mesure, quand on parle de démocratie, cette démocratie-là, déjà, quelle est-elle, quelle forme a-t-elle, et dans quelle mesure est-elle capable d'influencer des choix industriels? Un choix industriel aujourd'hui dans une société privée, comme Orange, comme Huawei, comme qui vous voulez, c'est un choix privé. C'est un choix qui est fait par ou les patrons, ou les actionnaires, ou un peu des deux, ou peu importe, quoi. Alors pour des grands choix de société, il y a souvent l'État derrière, hein. Thalès ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, et l'État est derrière, mais bon, ce sont quand même des sociétés qui sont privées. Donc je pense qu'il faut aussi tirer le fil jusque-là, montrer que les choix démocratiques, c'est pas juste je vote pour mon maire, mon président, ou voilà. Évidemment, la démocratie, c'est toute une constellation de pratiques, de rencontres, de pratiques associatives comme vous, chez Attac, comme nous, au Mouton Numérique. Et c'est aussi, en fait, la question de est-ce qu'on arrive à réencastrer l'économie dans la démocratie, en fait, pour montrer qu'il n'y a pas l'économie d'un côté, la démocratie de l'autre. Et c'est dans quelle mesure et via quels canaux les citoyens sont capables d'influencer des choix stratégiques. On aurait pu dire, par exemple, pour un projet comme la 380, est-ce que l'État doit le subventionner? Alors c'est un peu le béaba, c'est la base. Si vous prenez par exemple la principale subvention aux entreprises aujourd'hui de l'État, c'est le CICE par exemple, 5 milliards d'euros par an. Donc l'équivalent de ce qu'on a enlevé aux impôts sur la fortune. C'est 5 milliards d'euros par an. Donc ça va financer des entreprises donc, qui font des projets qui ne sont pas forcément de la R&D d'ailleurs, et qui ne donnent pas grand-chose en fait et surtout pas d'emploi. Et donc là, ça, légitimement, on peut se demander où est-ce qu'ils sont allés. Et est-ce que l'argent public, notre argent, doit aller dans un projet industriel comme la 380? Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, ce serait de dire dans quelle mesure l'entreprise pour laquelle je travaille répond pertinemment aux enjeux climatiques et dans quelle mesure moi, en tant que salarié, collaborateur, comme on dit aujourd'hui, j'ai une voix au chapitre. Et là, on tire un fil qui a 200 ans, 300 ans, si vous voyez ce que je veux dire, puisque ça tire le fil de la forme de l'entreprise dans laquelle on travaille. Les entreprises aujourd'hui qui donnent une voix à leurs salariés sont les entreprises coopératives. Il ne faut pas les idéaliser, ce n'est pas toujours le bonheur. Mais c'est peut-être, en tout cas, nous, c'est cette dimension qu'on essaie de rouvrir dans notre livre, parce qu'on arrive un petit peu au bout, on n'est sans doute pas assez armé pour répondre à tout. Mais indéniablement, elle se pose pour des choix d'infrastructures importants à l'échelle du monde aujourd'hui. René, tu avais une question ? Oui, enfin, c'est pour revenir un peu en arrière. C'était à propos des smartphones. Tu disais que ils polluent plus que le data, que l'internet. C'est au point de vue consommation d'énergie ou consommation de métaux rares, terres rares, etc. Alors en fait, c'est les deux. Hein. En gros, ce qui pollue dans la chaîne numérique, c'est de tout ce qu'on considère comme le numérique, les réseaux, la data, etc. C'est d'abord les devices, donc le matériel, les appareils comme mon téléphone, là, pour 80 à 90% de l'impact carbone. D'accord ? Après, il y a l'eau, les ressources abiotiques, les terres rares, les métaux en tout genre, etc., qui rentrent aussi dans ce calcul. Si on regarde en fait aujourd'hui la consommation des réseaux, que vous consommiez beaucoup ou pas beaucoup de data sur un même réseau, ça coûte quasiment rien. Alors déjà, en termes de métaux, ça coûte rien, parce que le réseau est déjà là. Hein, et ça coûte rien, quasiment rien, en termes d'électricité. Si vous voulez, la 5G, enfin en tout cas, la 5G ne va pas faire exploser la facture électrique du réseau, que vous utilisiez ou pas beaucoup de vidéos. Ça ne change rien. Et d'autre part, et je finis juste là-dessus, les data centers qui sont derrière arrivent à un niveau de saturation qui est, enfin de gestion du trafic qui est assez intéressant. Aujourd'hui, le trafic monte, mais la consommation des data centers ne monte pas. En valeur relative, en tout cas, elle est assez flat. Donc, si vous cherchez des arguments, j'ai envie de dire, c'est pas sur le réseau, les vidéos qu'il faut aller, parce que c'est pas ça qui consomme l'électricité. C'est pas sur les data centers. C'est vraiment sur les terminaux. Après, ça ne veut pas dire que la consommation électrique va baisser. Aujourd'hui, elle devrait baisser, hein, de 5% par an. Oui, donc, parce qu'on disait déjà que les data centers consommaient entre 7 et 10%, enfin, c'est les chiffres que je crois avoir entendus, de l'électricité produite. Mais c'est, en fait, c'est pas. À quelle échelle ? Je crois que c'était au niveau mondial. Je crois que c'est 200 TWh, j'ai plus idée, mais je crois que c'est l'équivalent d'un pays comme l'Espagne, effectivement. Mais bon, ça augmente pas forcément. Ça augmente pas de façon exponentielle, en fait. C'est juste ça que je veux dire. Mm-hmm. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai qu'en vis-à-vis, il faudrait réfléchir. Alors, si c'est les terminaux qui consomment le. Enfin, que ce soit les terminaux, le réseau ou les data centers, si on suit les accords de Paris et qu'on cherche vers une baisse de la consommation énergétique mondiale ou, disons, française, il va falloir réfléchir aussi au niveau des data centers et donc au niveau des usages, comment on fait pour être moins consommateur de données. Donc, par exemple, si le terminal, c'est une part importante de la consommation énergétique, il faut éviter l'obsolescence programmée dont on a parlé, éviter de pousser les gens à consommer de la vidéo beaucoup parce qu'on peut avoir une consommation d'énergie sur le terminal, etc. etc. Donc, c'est vrai que... ce qu'il faut regarder, si vous voulez, c'est aujourd'hui, on peut pas juste dire le numérique pollue et c'est pas bien. Il faut dire... il y a peut-être certaines circonstances dans lesquelles le numérique peut être utile et améliorer les choses. C'est possible. On peut faire du pilotage énergétique avec du numérique. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on aille mettre des capteurs sur une conduite d'eau pour savoir si ça fuit. C'est pas forcément très grave. On peut avoir un facteur d'optimisation qui peut aller jusqu'à 20% en général, par exemple du trafic. Voilà, ça, on peut le prendre. Le problème, c'est qu'ensuite, on n'a aucun pilotage de ce que rapporte le numérique par rapport à ce qu'il coûte. On numérise tout, et on ne regarde pas si ça nous rapporte quelque chose ou pas. Et surtout, on n'est pas du tout vigilant envers les effets rebonds. Si vous voulez un argument qui est celui de Gilles Babinet de l'Institut Montaigne, il vous dit, grâce à la 5G, on va pouvoir mieux remplir tous les containers et tous les camions qui transitent à travers l'Europe. Et on va pouvoir y gagner parce qu'il y a moins de camions qui vont transporter des trucs. Enfin, il y aura moins de vide dans les camions, si vous voulez. Bon, par contre, ce qu'il ne dit pas, c'est que dans les camions, il y a des marchandises, que ces marchandises circulent trop et que le trafic de camions augmente de 6% par an en Europe, 2% ces dernières années, en tout cas cette année avec le Covid. Donc, le problème, il est là, en fait. Donc, si vous voulez, l'optimisation, elle agit dans l'épaisseur du trait. Donc, quand on optimise, on gagne en coût. Donc, en fait, on relance la machine une fois de plus et il n'est pas du tout sûr qu'on soit gagnant à la fin. Donc, sur le papier, vous aurez gagné... par objet vendu qui sont dans les camions, vous aurez une consommation qui sera moindre parce que les camions ne seront pas vides. Donc, vous pouvez avoir un argument. Vous pourrez dire, voilà, pour un mètre cube de marchandises, j'ai moins de kilowattheures de dépenser. Et ce ne sera pas faux. Et si vous regardez au global, vous aurez vu qu'en fait, votre trafic de camions, il augmente et c'est le cas. Et les camions, ils roulent majoritairement à l'essence. Quoi, genre, c'est du thermique, ce n'est pas du électrique aujourd'hui. Sure. Donc derrière, si vous voulez, c'est le modèle de consommation qui est perpétué, qu'il faut sans cesse questionner. En fait, c'est l'abaissement du coût dû à l'optimisation qui amène une surconsommation, c'est ça? Exactement, tout à fait. Quand on optimise les coûts, on surconsomme, on remet une pièce dans la machine. Ouais, et puis l'émergence d'usages, on peut parler aussi des usages de plateformes type Uber ou des choses comme ça qui créent un effet d'appel, et on pourra avoir un effet similaire avec la 5G, de créer des usages qui n'étaient pas préexistants. Oui, après, il n'y a pas forcément de mal, j'ai envie de dire, à créer des usages dans l'absolu. Il pourrait y avoir des usages vertueux. Les usages vidéo sur lesquels on est maintenant, qui ne polluent pas forcément beaucoup plus que ça, sont vertueux. J'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous déployez la 5G que automatiquement vous allez avoir 1000 Uber qui vont apparaître du jour au lendemain, puisque Uber, on est justement en train de le réguler. En revanche, ce que vous allez avoir de manière absolument certaine, ce sont des systèmes de surveillance. Ça, c'est sûr. Des systèmes de surveillance mis en réseau, rapides, en temps réel, et notamment la reconnaissance faciale. Donc, j'insiste là-dessus. On ne peut pas séparer le réseau qui porte les usages des usages en eux-mêmes. Donc, je suis un peu en train de me contredire, si vous voulez. Mais ça veut dire qu'il pourrait y avoir du bien et du mal, mais en l'occurrence, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout l'extension d'un modèle de surveillance à l'échelle des villes. Et déjà, à court terme, sachant qu'on ne va pas arrêter la 5G, c'est clair et net, si on pouvait faire signer des chartes aux villes pour limiter la diffusion, la propagation d'objets de surveillance, notamment la reconnaissance faciale, ce serait déjà une victoire. Et ce serait déjà un marché en moins pour la 5G. Si on est pragmatique et qu'on part du principe qu'on a déjà perdu sur le réseau, au moins, interdisons ça. Et puis, on peut, enfin, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, avec la 4G, la fibre optique, tout ça, on peut faire déjà énormément de choses qu'on n'a pas encore complètement développées. On n'a pas encore la fibre, on n'a pas encore la 4G sur tout le territoire. On n'a pas forcément besoin de la 5G pour faire plein de choses intéressantes. Ah ben, 99,9% des usages qu'on a aujourd'hui ne nécessitent pas la 5G. Mais bon, c'est normal, elle n'existe pas encore, donc ça paraît logique. Mais si vous voulez, c'est vrai que si vous prenez, je sais pas, que vous alliez poster quelque chose sur Facebook, faire un Skype, acheter un billet de train, enfin toutes ces choses qui sont quand même devenues essentielles, quoi qu'on en dise. Hein, voilà, on ne va pas les retirer du jour au lendemain. Effectivement, on n'a pas du tout besoin de la 5G pour le faire. Alors si on déploie la 5G, on aura peut-être tout un tas de services, comme tu disais Quentin, peut-être des services, je sais pas, de réalité virtuelle, ou de choses tout à fait intéressantes, passionnantes, stimulantes, de jeux vidéo dans tous les sens. Enfin, moi, en fait, je n'ai pas de jugement moral sur les usages. Je pense que si on déployait la 5G, on pourrait inventer tout un tas de trucs super cool. J'ai aucun doute là-dessus. Le problème, c'est qu'en fait, la question, elle n'est plus là. Faire des trucs super cool, c'est bien, mais maintenant, il faut faire des trucs propres, des trucs qui ne consomment pas, des trucs qui ne surveillent pas et qui sont compatibles avec les ambitions climatiques qu'on a. C'est tout. On peut pas, ça ne peut pas être le Far West, en fait, tout simplement. René, tu voulais... Oui, justement, à propos de... Puisque, justement, Florent a parlé de la fibre optique et des possibilités encore non exploitées de la 4G, est-ce qu'il est vraiment utile de couvrir tout le territoire français avec la 5G? Puisque je crois que c'est Philippe Biouix qui disait qu'avec quelques antennes qui ont une portée d'environ 300 mètres, on peut faire fonctionner une usine avec la 5G. Il n'y a pas besoin de tout couvrir. Voilà. Oui, tout à fait, mais Philippe Biouix a raison. Si on prend à la lettre l'argument industriel qui est de dire que ça sert à connecter les usines, il n'y a pas besoin de couvrir tout le territoire. C'est comme ça qu'a fonctionné l'Allemagne en délivrant des licences à des entreprises, alors je crois que c'est 74 entreprises en l'occurrence, pour des besoins d'automatisation des chaînes de production. Donc, à la limite, on peut aussi dire, ok, on parle là-dessus. En France, ce n'est pas le choix qui a été fait, puisqu'on sait bien, on vend des licences très très chères pour en déployer partout. Je ne sais pas exactement quel est le déploiement national de la 5G, ce n'est pas très clair pour moi. En revanche, c'est vrai que je vois les pubs dans le métro pour les smartphones et puis les usages qu'on nous vend. Il est probable qu'on la déploie d'abord dans des centres urbains très denses, par exemple la Défense, là où la congestion du trafic 4G est déjà importante. Donc effectivement, ce n'est pas une technologie qui va être déployée en campagne tout de suite, tous les 300 mètres. Enfin, j'imagine même pas comment c'est possible, ne serait-ce que du point de vue de l'acceptabilité des populations. Donc pas besoin. Par contre, on peut aussi retourner l'argument contre lui-même. Automatiser les entreprises pour aller vers ce fantasme de l'entreprise 4.0 qui fonctionne sans salariés, déjà, ça, c'est une question qui mériterait d'être posée en tant que telle. Est-ce que, alors qu'il faut relocaliser, est-ce que, alors qu'il faut peut-être créer de l'emploi, au même moment, il faut réindustrialiser de cette façon-là? C'est une question compliquée, je prétends pas avoir la réponse. Moi, j'entends beaucoup que la 5G va servir à relocaliser. J'ai pas encore d'exemple tout à fait concret et convaincant qui m'explique que c'est vrai. Voilà, je sais pas. Bah, peut-être relocaliser, mais reste à savoir comment. C'est ça aussi. Ouais. Christian, tu avais quelque chose à ajouter ? Oui, non, mais rapidement, je disais que je comprends que parce que tu dis, René, le train est parti de toute façon, on ne peut que le ralentir, le référendum ne servira pas de toute façon, ça va être une connaissance des gens qui votent, c'est pas vraiment le cas. La convention collective, la convention citoyenne a fait son boulot. On ne peut pas aller beaucoup plus loin, sauf avoir une intervention, tu dis, municipale, ça me semble vraiment intéressant comme idée. Et puis les entreprises également, hein, l'usage. C'est un peu ce que je retiens de ce que tu dis, en fait. Oui, c'est ça. Mais je pense que il faut continuer à mettre la pression, parce que c'est la seule manière de faire entendre raison aux personnes qui sont au pouvoir. Si l'ARCEP a organisé, donc l'ARCEP, le régulateur des télécoms, qui s'est chargé de la vente des fréquences, si l'ARCEP a organisé tout un tas de petits débats pour discuter de ces questions-là sous forme de petite démocratie, c'est justement parce qu'ils ont senti la pression du public. Orange a intérêt aujourd'hui à se prémunir des attaques, à créer des arguments, à apporter des preuves de bonne foi sur les aspects énergétiques, parce qu'on met la pression. Donc le premier axe, c'est qu'il faut garder la pression. Ensuite, il faut surtout penser à un projet à gauche pour les prochaines élections présidentielles qui puisse faire en sorte que des formats comme celui de la Convention citoyenne deviennent opérants, c'est-à-dire du pouvoir. La question, c'est qui décide en fait en démocratie, hein? Aujourd'hui, on a une consultation citoyenne qui ne sert à rien, et les organes de consultation, de manière générale, ne servent pas à grand-chose. Mais pourtant, ils sont assez efficaces, dans le sens où les recommandations émises par ces publics sont de bonne qualité. Vous regardez le travail de la CNDP. Mmh. Quand on sait mobiliser les gens, quand on sait les mettre en condition de réfléchir, donc pas un micro-trottoir, êtes-vous pour ou contre, hein, aller rencontrer des experts, se faire une opinion éclairée, à la manière des jurys, si vous voulez, quand vous êtes jury pour décider si un homme doit aller en prison ou pas, vous prenez la chose au sérieux. Là, c'est pareil. Donc, il faut systématiser ces formats de démocratie participative, il faut les inscrire dans les institutions de la 5e ou de la 6e République, il faut en faire un vrai projet politique à gauche. Donc ça, c'est le moyen terme. Et là, sur le court terme, faut agir au niveau des villes, effectivement. Faut solliciter son maire, son municipal, pour se prononcer sur cette question. Bien, merci. On va se terminer sur cette finale mobilisatrice qu'on retient assez facilement à attaquer. Merci beaucoup, Rémi. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Alors je suis de plein pouvoir, un missionnaire prophétique, une espèce de surhomme, invulnérable, mécanique, magnétique et mon fluide, interventionniste, un peu hybride. Pour contourner le pire d'un revers de la manche, je bondis sur le mal, l'ennemi avide de revanche. Ensemble tout est possible, il suffit juste d'y croire. Oui mais croire c'est bien peu quand on peut en mettre plein les yeux et ça fait. Je les pointe du doigt et les réduis en poussière. Je suis le gardien du temple au cœur de la toile et catapulte le déloyal. Je vais déjouer les crises pour vous rendre créditeur et inventer la vie, la justice, le bonheur. J'ai le super pouvoir de vouloir en espoir. Mais l'espoir c'est bien peu quand on peut faire beaucoup mieux et ça fait. C'était The One, The Innocent, le monde entier. Et bien maintenant, les activités d'attaque. Tout d'abord au plan national, contre l'injustice des dettes. La pandémie de Covid-19 a eu de graves répercussions sur la santé, la sécurité et la survie de centaines de millions de personnes. Ces conditions mettent en lumière le problème persistant de la dette. C'est pourquoi plus de 550 organisations, dont Attac France, dans 93 pays, ont signé une lettre ouverte collective adressée à tous les gouvernements, institutions et prêteurs internationaux contre les dettes illégitimes et pour leur annulation, appelant à prendre des mesures urgentes, justes et ambitieuses. Au plan national, le projet de loi de finances 2021, c'est une véritable illusion de changement. Le projet de loi de finances 2021, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, incorpore les effets budgétaires des plans d'urgence du printemps et les annonces du plan de relance de 100 milliards. Attac a publié une note de décryptage qui montre comment le gouvernement y fait le choix d'entériner une politique fiscale injuste qui se déploie au détriment des services publics et des plus précaires, sans porter une ambition écologique suffisante permettant d'échapper au monde d'avant. Analyse des propositions financières de la Convention citoyenne pour le climat. Financer une transition écologique juste socialement. La Convention citoyenne pour le climat a proposé 149 mesures pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en France en 2030, par rapport à 1990, je rappelle, dans un esprit de justice sociale. Un volet comporte les orientations proposées en matière de financement des objectifs sociaux et climatiques recherchés. Attac livre une analyse de ces mesures, disponibles sur le site, qui ont été peu discutées médiatiquement jusqu'ici, et en souligne la pertinence et la cohérence, malgré quelques différences avec ses propres propositions, et l'intérêt de s'inspirer de ces mesures pour les futures campagnes. Au Sénat, maintenant, les sénateurs et les sénatrices manquent un peu de vision et de courage en votant pour le retour des insecticides tueurs d'abeilles. À la suite des députés, le Sénat vient de donner son feu vert à la réautorisation des néonicotinoïdes, malgré l'opposition déterminée de nombreux sénateurs et sénatrices. Une majorité à 56 voix a décidé d'entériner une décision qui met à mal la biodiversité dans un état déjà catastrophique et la durabilité de nos pratiques agricoles. Face à ce recul, qui on pourrait qualifier d'historique, qui est une atteinte au principe directeur de non-régression du droit de l'environnement, le collectif d'organisations dont fait partie Attac, bien sûr, alerte les pouvoirs publics. Nous n'en resterons pas là et nous lutterons pour la diversité, la santé humaine et pour un avenir agricole durable et même paysan, j'ajoute. Oui, et aussi atteinte aux libertés associatives. Alors Attac a rejoint la Coalition pour les libertés associatives qui regroupe des associations aussi différentes que Tous Migrants, la Ligue des droits de l'homme, Framasoft ou France Nature Environnement. Son objectif vise à documenter et à rendre visibles les diverses formes de pression sur la société civile française, ainsi qu'à proposer des stratégies de riposte. Un guide a été édité. Faire face et riposter aux attaques contre les libertés associatives. Du plan national au plan local, il n'y a qu'un pas, et une seule voix d'ailleurs, deux même. 15 octobre, participation au comité de soutien en faveur de Gaspard. Militant d'ANV COP21, Gaspard a été convoqué au commissariat central de Lille pour une garde à vue suite à un décrochage de portrait présidentiel qu'il a eu la mauvaise idée de garder chez lui. Le 17 octobre, alors c'était la journée Notre Assiette pour Demain, alors un petit bilan. À Lille, l'événement a rassemblé environ 200 personnes, donc c'est un succès moyen. Et nous avons été accueillis par le collectif Parc, sur la friche Saint-Sauveur. Le 17 novembre, donc du 17 au 17, appel à la réintoxication du monde. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu en stand-by, ça a une dimension nationale, on vous fera part de la suite des événements. Le collectif O maintenant, la réunion du 21 octobre à la Brest a vu la venue de nouveaux participants, la collaboratrice d'Adrien Catanins et un représentant de la CGT de l'AMEL. Oui, reste le collectif gratuité des transports publics qui continue de fonctionner en dépit du coronavirus. Et donc, on a eu la chance de rencontrer le comité de quartier de la Poténerie dans le but de préparer une campagne de sensibilisation des habitants. Et on a également fait un rapprochement avec une coopérative d'éducation populaire qui s'appelle L'Étincelle et qui est très intéressée par notre projet de transport gratuit. Voilà, merci. Et on se retrouve pour une nouvelle émission d'Angle d'Attaque samedi prochain à l'heure habituelle, midi, sur Radio Campus 106.6. Nous aurons comme invité Rémi Lefebvre. Bon week-end à toutes et à tous.